On va parler des Saguenay de Chicoutimi puis du championnat du monde de hockey junior, puisque je pense qu'il était au match. C'est Sébastien Morin, descripteur des matchs des Saguenay. Salut, Sébastien. Salut, Danny. Je pense que c'était au match, hein, si je ne m'abuse. Hein? Exactement, c'était une expérience Ouais. assez incroyable. J'ai de la misère à concevoir quand et comment je vais pouvoir assister à un match d'une aussi grande importance dans dans ma vie de partisan de hockey. C'est un privilège d'avoir pu être parmi les presque 20 000 spectateurs qui étaient présents pour la finale de la médaille d'or jeudi soir dernier au Centre Bell et de voir un Nicolas Roy briller sur la glace devant un Canadien sur trois à la télévision finalement. Il y a eu autour de 10 millions de codes Hey. d'écoute si tu combines TSN et RDS. On est 30 quelques millions au Canada. Il y a une personne sur trois qui a regardé ce match-là. C'est dire la pression incroyable qu'il y avait sur ces jeunes hommes-là de 19, 18 ans. Qui nous ont donné des frissons, qui nous ont fait triper. À 4 à 2, je pensais bien que c'était terminé, même à 3 à 2 quand Nicolas a scoré. Mais bon, les Américains étaient dominants, plus forts physiquement, plus rapides aussi. Puis je pense qu'ils étaient mieux nantis pour remporter le championnat mondial junior sur une courte période que les Canadiens qui ont été peut-être surutilisés, les Québécois entre autres, dans ces matchs-là. Puis, tu sais, on n'a pas vu beaucoup les Strome, on n'a pas vu beaucoup les Yost, on n'a pas vu beaucoup les joueurs qui étaient supposés d'en donner beaucoup à l'équipe Canada Junior cette année. Ça a été nos Québécois qui ont marqué les 4 buts, entre autres, en finale. Le seul qui a fait bouger le gardien américain, ça a été Nicolas Roy. Malheureusement, la rondelle a gelé devant lui en tir de barrage, ce qui est, en tout cas, la pire des histoires, la Ouais. pire des horreurs pour terminer un match de cette importance-là. Mais bon, les règlements internationaux sont ce qu'ils sont. Faut respecter ça. C'est comme ça que ça se joue, le hockey international. Puis, ça se termine en tir de barrage, même en finale de la médaille d'or. Mais quel match de hockey! Oh, ouais. C'était grandiose. J'imagine à la télévision, c'était spectaculaire aussi. Ben, j'ignore, Gino, qu'un de mes amis était au match aussi, puis il a dit être là, puis le regarder à la TV, c'est deux. Il y avait un arrière survolté, mais tu voyais à la télévision, c'était. T'avais tout, là. C'était incroyable aussi comme match, là. Moi, je vais te dire une affaire, Sébastien. On dit que le 31 décembre 1975, c'est un des plus grands matchs qui s'est passé au Québec. Mais moi, je suis pas d'accord. Je l'ai regardé plusieurs fois. Moi, je pense que le match que j'ignore, même si les Saguenayens, pas les Saguenayens, mais l'équipe Canada a perdu, il y avait de l'émotion. Il y avait de tout, tout, tout, tout, tout. C'était incroyable. Il y a eu plusieurs choses dans ce Ouais. match-là. Il y a eu bon, des grosses mises en échec, une Ouais. période de première période dominée par les Canadiens, une deuxième période dominée par les Américains, une troisième période extrêmement serrée. Si tu regardes ça, tu sais, mais le gros de cette histoire-là, faut retenir le but manqué par Pierre-Luc Dubois, je Ouais. dirais, en période de prolongation. Il y avait le filet ouvert avec à pousser la rondelle puis faire un ciné Crosby de lui-même comme à Vancouver. C'est-à-dire pas avoir rien fait pendant le tournoi préliminaire, les rênes de médaille, et garder le meilleur pour la fin, marquer le golden goal. Il l'a manqué, ça s'est rendu en tir de barrage, c'est triste, ça s'est terminé comme ça. Écoute, j'ai vu en 2008 à Québec le championnat mondial senior, celui qu'on appelle des perdants dans la Ligue Ouais. nationale, mais qui compte beaucoup pour les Européens. Puis j'ai été à une finale Canada-Russie, il y avait Ovechkin, il y avait Kovalchuk, il y avait Sergei Fedorov, Alexander Radulov qui jouait pour les Russes à cette époque-là, contre plusieurs bons, très bons joueurs canadiens. Martin Saint-Louis, entre autres, faisait partie de l'équipe. Mais tu n'avais pas cette émotion-là. Là, c'était vraiment les meilleurs joueurs de bon 18-19 ans du monde qui étaient présents en même temps sur une patinoire. Bon, ils nous ont fait triper, ils nous ont donné presque une victoire, puis très content pour Nicolas il a été un digne représentant des Saguenay de Chicoutimi. Il a été dominant pour l'équipe Canada Junior, avait des missions très précises, défensives, prendre des grosses mises en jeu, et en plus de ça, réussir à contribuer offensivement, alors que c'était peut-être pas son rôle pendant le championnat mondial junior. Bravo à tout le monde, bravo à Dominique Ducharme aussi, qui a quand même bien mené son équipe. Je pense que les meilleurs quand même ont gagné sur la patinoire. Les Américains étaient supérieurs au Aïe, Canada. mais Tu regardes ça globalement. il faut donner crédit aux Américains. Oui, Dans un territoire effectivement. hostile, c'était hostile, là. Deux fois, ils sont revenus de l'arrière, et ainsi de suite. Aïe, mais je vais te poser une question que j'ai posée à Joël Bouchard vendredi. Puis Joël, il n'a pas aimé ma question, mais c'est quand même vrai. Moi, se fait-il que le Canada, depuis 5, 6, 7 ans, sont pas capables de développer des gardiens de but? T'sais, c'est pas de eux, là. C'est les Suédois, les Finlandais. Tu sais, ça a été longtemps la marque du Québec, la marque de commerce du Québec. Là, si on a un gardien de but qui fait les arrêts-clés, tu sais, Patrick Roy disait tout le temps, donnez-moi l'avance, je vais m'occuper du reste. Puis Exact. si on aurait eu un gardien de but qui aurait été capable de faire les arrêts clés. Le Canada, c'était dans la poche. Comment fait-il qu'on n'est pas capable de développer des bons gardiens de but? Bon, ben, un des problèmes de Hockey Canada, c'est, je dirais, peut-être la structure, entre autres, des gardiens de but. Tu sais, cette année, on en a amené seulement trois, puis l'idée était pas mal pipée, je dirais, au camp qu'il y a eu du côté de Boisbriand, ouais. Le camp d'évaluation. Le dernier camp d'entraînement avant de former l'équipe complète pour le championnat mondial junior. Tu sais, les gardiens les plus hot présentement dans la Ligue sont pas invités là-dedans. Tu sais, l'année passée, là, au mois de novembre, c'est Julio Bilia qui aurait dû être invité pour Équipe Canada Junior parce que c'était le meilleur gardien de la Ligue canadienne au moment où on invitait les joueurs. Cette année, j'imagine que dans l'Ontario, puis même au Québec, il y avait des gardiens qui étaient plus hot qu'on aurait pu amener. Entre autres, Callum Booth et Evan Fitzpatrick, qui ont été ouais. excellents dans le Canada-Russie au Québec, n'ont même pas été invités pour le camp final d'équipe Canada junior. C'était déjà réglé avec des gardiens ouais. de but de l'Ouest, un Ontarien pour les invitations. Tu sais, à un moment donné, il va falloir peut-être ouvrir un peu notre esprit. Puis, il y a quelques années, la Ligue canadienne a eu la bonne mauvaise idée d'empêcher les gardiens de but européens de venir dans la Ligue canadienne pour justement promouvoir le développement des gardiens nord-américains. Puis visiblement, ben ça n'a pas fonctionné parce que on a bien de la misère à développer des gardiens. Puis au Québec, c'était une pépinière. On ben a oui. eu plusieurs grands gardiens de but qui sont sortis du Québec. On a dans notre cours, les sept, là, Rick Fichaud, Marc Denis ont été des très bons gardiens. José Théodore, Luongo, Marc-André Fleury, même, malgré ouais. sa bévue, avait connu un très, très bon tournoi à cette époque-là. Tu sais, mais là, on n'est plus capable. Il va falloir regarder le développement du hockey globalement. Les meilleurs ne jouent plus nécessairement avec les meilleurs maintenant au Québec. Il y a le collégial, il y a le midget 3A, il y a les circuits scolaires, les prep schools. Il y a plusieurs entités maintenant, puis le produit se dilue de gauche à droite. Je ne veux pas tirer la balle à personne. À un moment donné, il va falloir que tout le monde s'assoie à la même table puis qu'on arrête les chicanes de famille puis qu'on pense aux jeunes, au développement des jeunes puis à rendre ça encore plus compétitif et mieux les développer encore dans les structures. Il y a plusieurs bonnes choses qui se font, mais il y en a plusieurs mauvaises aussi. Puis je pense qu'il y a des gens qui devraient réfléchir à l'avenir des jeunes. Présentement, je pense qu'il y a un gros examen de conscience à faire là-dessus, surtout pour le développement des gardiens de but. Au Québec, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas encore les meilleurs au monde avec les Allaire, avec les Waite, avec les anciens, les Rois, les Brodeurs. Tout le savoir-faire des gardiens de but, ça vient d'ici. Là. Ouais. Georges Vézina, tabarnouche... tous les bons gardiens, en tout cas plusieurs des très bons gardiens au monde ouais. sont venus du Québec, donc il faut que ça revienne, puis je pense que bon, mais ça c'est les gens de hockey qui doivent trouver une solution à ça, puis bon, peut-être les faire jouer les meilleurs contre les meilleurs, ça va peut-être aider dans le futur, et puis développer un gardien de but, ça coûte extrêmement cher aussi maintenant. Les équipements de hockey sont, bon, ça n'a plus de bon sens. Un bâton va coûter 300-400$, la paire de pads 1200$, le masque personnalisé année après année avec les couleurs de l'équipe, ça n'a plus de bon sens. Il va falloir regarder ça aussi, puis peut-être trouver une façon de rendre ça un peu plus accessible, d'habiller un jeune en gardien de but maintenant pour les développer, puis faire de très bons goalers dans les années suivantes. Là. OK. Bon, les Saguenayens, on va parler maintenant des Saguenayens, de la date limite des transactions. Olivier Galipeau, je pense que Yannick Jean le volait. Je me trompe pas si on ne l'a pas vu venir, Yannick Jean, parce que c'était un derby, Galipeau. Là. C'était pas nécessairement oui. l'équipe la plus qui était la favorite pour remporter ce derby-là. Ben, en fait, de l'intérieur, je dirais que oui, c'était mais l'équipe on la plus... Les médias, là. Dans la période des transactions, on en entend beaucoup de choses dans les médias. Ouais. Cette année particulièrement, ça a été plusieurs débordements. T'sais, les transactions annoncées avant les confirmations des équipes, alors qu'il y a des joueurs impliqués qui sont encore dans l'action. On est allé très, très vite avec la rapidité de l'information cette année, puis surtout la livrée de la part des journalistes. Encore une fois, c'est pas moi qui va lancer la pierre à personne, mais il y aura aussi un travail à faire de ce côté-là, je pense, de la Ligue sur, peut-être rendre ça un peu plus secret encore, le transfert d'informations entre les équipes pendant la période des transactions, parce que c'est pas normal qu'il y ait des journalistes qui soient au courant de certaines équipes d'une confirmation de transaction. C'est arrivé cette année, donc on verra pour le futur. Dans le cas de Galipeau, Yannick Jean, au 17 décembre, c'était le joueur qui l'avait pointé sur son jeu de dart. C'était lui qui voulait absolument le défenseur. Okay. Au-delà de Bourque, là, il s'est informé pour Bourque aussi du côté de Rimouski. J'en suis convaincu, mais c'était Olivier Galipeau, le profil que Yannick Jean recherchait. capitaine des Foreurs de Val-d'Or, un gars qui a 49 matchs en séries éliminatoires, près de 30 points, sinon plus, depuis le début de la saison. Un gars qui est capable de jouer 35-40 minutes pendant un match de hockey, subir la pression, fait pas beaucoup d'erreurs défensives et va probablement aider à un Frédéric Allard, entre autres, de peut-être prendre un peu plus de chance à l'attaque puis de produire un peu plus offensivement, ce qui, depuis le début de l'année, peut-être a été plus problématique parce qu'il portait tous les chapeaux, Frédéric Allard. Là, avec l'arrivée de Galipo, ça va assurer peut-être tout le monde dans la bonne chaise. Je trouve que c'est une très très bonne transaction. Bon, je vous cacherai pas que j'ai versé une larme quand j'ai su que David Noël quittait pour Olivier Galipo, ouais. Mais pour recevoir dans la vie, il faut que tu donnes. Les Foreurs avaient identifié David Noël. Je suis convaincu qu'Yannick Jean a essayé toutes les combinaisons possibles et imaginables pour garder son futur jeune très bon défenseur. Il est obligé de s'en départir. On va souhaiter bonne chance à David avec les Foreurs, mais très content d'avoir Olivier Galipo pour terminer la saison et peut-être revenir à 20 ans l'an prochain avec les Saguenay de Chicoutimi. Il va donner de fiers services. Les gens vont l'aimer. C'est pas un gars qui va paraître beaucoup, je dirais, dans les highlights, mais c'est un très, très bon bonhomme, très bien éduqué, bien articulé. Un genre de Steve Gosselin à l'époque. Je peux pas vraiment te comparer parce que je l'ai pas vu jouer avec les Saguenay, mais écoute, c'est un gars qui est responsable défensivement, qui est très, très, très qui est capable de jouer physique aussi quand c'est le temps de d'aller dans le trafic. Il n'y a pas beaucoup de défauts, je dirais, Olivier Galipo sur une patinoire d'or. OK, OK. Les frères Climat, comment ça va avec eux autres? Je sais qu'hier, il y en a un qui a compté un but. Est-ce que ça... Les deux ont marqué hier. Ouais. Le 34 a marqué le filet égalisateur en troisième période, puis le 60 a marqué le but décisif, le seul d'ailleurs de la période de tir de barrage pour donner la victoire aux Sags hier. Ils prennent leur air d'aller, ont trouvé leur point de repère, je dirais, sur la grande patinoire. Ça va faire des flammes jusqu'à la fin de la saison. C'est des joueurs très, très, très, très rapides avec de très, très bonnes aptitudes hockey. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Ils ont du caractère, sont capables de brasser, vont dans le trafic. Très, très, très satisfaits de leur performance. Sur la route, ça a été peut-être un peu plus difficile sur la production offensive. Quand t'as pas le dernier changement, on réussit à puis là, tu sais, la diversité de l'attaque était très concentrée sur les deux frères Climat et Zoukenov là, pendant le voyage sur la route à Gatineau et à Blainville-Boisbriand, les deux défaites des Sags où on a généré seulement un but en deux matchs. Puis tu sais, quand t'as pas le dernier changement, mais t'as pas toutes tes armes, je dirais, pour aller à la guerre, c'est un peu plus difficile sur la route. Mais à la maison, ça a bien été, on l'a vu, là, on a réussi à débloquer du côté de l'attaque. On a marqué de très, très beaux buts hier au centre Georges Vézina. Ça a été un très bon match de hockey d'ailleurs. Puis ça se poursuit demain contre Sam Girard et les Cataractes. Puis vendredi, dit. Autre grande visite, Joël Bouchard, Alex Bariboulé, surtout Pierre-Luc Dubois, avec probablement le retour de Nicolas Roy au jeu vendredi soir contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ça va être un beau spectacle toute la semaine, je dirais, ici à l'Arena Chicoutimi. Sébastien, je vais te laisser aller préparer ta conférence de presse à 11h. J'imagine que c'est quoi? On va présenter tous les nouveaux joueurs, c'est ça? Ben, Yannick Jean va parler, va expliquer aux journalistes. T'sais, on n'a pas eu le temps. D'habitude, on le fait tout de suite le vendredi quand ça se termine ou encore le jour de la fin. Mais là, on était à Boisbriand. C'était un peu plus difficile de convoquer les journalistes du Saguenay. Puis, on n'a pas les moyens nécessaires de neutraliser un avion pour les amener à Montréal pour quelques heures. On a décidé de faire ça ce matin. Yannick Jean a pris le temps de rencontrer tout le monde. Les nouveaux vont être présents. Si les journalistes veulent s'adresser à eux, ils vont pouvoir le faire. Puis, dans les prochaines minutes, là, ça va être diffusé en direct là, sur la page Facebook des SAGS, cette conférence de presse. Donc, tous les partisans des SAGS, partout où vous soyez dans le monde, on essaie de vous rejoindre du mieux qu'on peut maintenant. Donc, en direct sur Facebook dès 11h ce matin. Quelle technologie! D'ailleurs, on va essayer de parler avec Olivier Galipo au cours des prochains de la journée. Fait que, Sébastien, tu vas m'organiser ça? On va essayer, mon homme. OK, donc Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenay.